C'est notre anniversaire, déjà 10 ans de galère. J'aurais dû épouser Roger plutôt que Robert. À l'époque j'ai choisi simplement un mari, sans penser que derrière il y avait sa mère. La mère de Roger, très cool, se faisait appeler Raoul parce qu'elle était maçon. Elle disait, je veux rien savoir de ce que fait mon Roger en dehors de la maison. La mère de Robert, plus fière, étudiait l'art ancien pour devenir antiquaire. Elle disait, faut tout savoir. Alors le petit Robert est devenu dictionnaire.